cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. As-salatu as-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Akhadna fi darsina as-sabiq fi sharh al-usul al-thalath. قول المؤلف رحمة الله عليه اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. فما معنى هذه المسألة الأولى؟ C'est quoi le sens et qu'est-ce que tu retires من هذا؟ تفضل. توحيد الربوبية. أحسنت. Et c'est quoi notre aqida fi tawhid al-rububiyya? Na'am. Na'am, fa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-khaliq. Est-ce que ce tawhid suffit? Limada? Na'am, li'anna kuffar Quraysh kanu ya'taqidun anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-khaliq, al-raziq, al-muhyi, al-mumi. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. لكن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا. Ça montre, comme il a dit Cheikh l'Islam, أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا. ما معنى ولم يتركنا هملا؟ عندك؟ نعم. فلماذا ils ont créé? ما الدليل؟ Répondez بالعربية. Si vous pouvez. Au lieu de dire l'adorer, tu dis pour العبادة. حتى on s'habitue. ما الدليل؟ كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحسنت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا. أي sans but, sans objectif. On boit, on mange. فقط لا. لا بد من تحقيق هذه هي الغاية العظيمة. C'est عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك نزامون خلال مسألة ثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد. تعمون تخلقوا هذا عندك؟ نعم. بخوا؟ نعم. لأن الله لا يبردن با لأن الشرك أعظم أحسنت أعظم ظلم أعظم ظلم. ça contredit le pourquoi que Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Il t'a créé pour l'adorer. Et l'unifier, bien sûr, tawhid fil ibada, l'adorer seul. Et le shirk, ça contredit hada. C'est pour ça que c'est a'adam dhulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le pardonne pas. Et celui qui meurt à le shirk l'akbar, il est fin nar. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, il te cite premièrement tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya. Tu reconnais Allah comme créateur, ça implique que tu l'adores. Thumma, fais attention au shirk. Même si c'est un malek, même si c'est un habit, tu n'as pas le droit d'adorer. L'adoration, c'est un haqq lillah, wahda. Et on s'est arrêté, nahnu, à al-thaniya, an Allah la yarda yushraka ma'ahu, lakin on en avait parlé qalilan. Qala Cheikh l'Islam, al-thaniya, an Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad, la malakul muqarrab, wala nabiyun mursal. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc cette مسألة, la deuxième, que chaque musulman et chaque muslima ils ont le devoir de connaître, c'est si tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur, ça doit impliquer que tu l'adores. Si tu l'adores, tu dois l'adorer seul. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله. Cette shahada que chaque musulman il dit et il doit dire pour être musulman, elle a une ma'na et elle a un muqtada. Ça implique des choses. Donc on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il a cité le dalil wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et ja'a fil hadith anna ad-du'a huwa al-ibada. Fala tad'u, c'est bi ma'na al-ibada. Ay fala ta'budu ma'a Allahi ahada. أحد dans la langue arabe il est نكرة, il est indéfini. في السياق النهي لا تدعو يفيد العموم. Ça englobe toute chose أحد. Donc tu n'as pas le droit d'adorer un malek, un ange, ou un nabi, ou un rasoul, ou un salih, une personne pieuse, un wali. Tout tout ça, tu n'as pas le droit. Même si c'est une personne qui est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas le droit de l'adorer. Al-Nabi, tu l'aimes et tu le suis. Et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Malak, tu l'aimes fillah. Léan Allah subhanahu wa ta'ala, il aime al-Malaika. Les hommes pieux, tu les aimes fillah, si c'est un homme pieux. Amma, s'il meurt et s'il est vivant, il n'a aucun haq fil ibadah. Léanahu, c'est un makhlouq, va'if. Et celui qui mérite l'adoration, c'est Al-Khaliq. Comme on avait cité le verset dans le dars précédent, Qawlullah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Donc on doit adorer celui qui nous a créé, Rabb Jalla wa Ali. Ça c'est important ce point. Léanna ba'd al-nas, wal'iyadu billah, ils aiment al-anbiya, ils aiment al-awliya, et cet amour, ils exagèrent et ils les adorent. Et ça, c'est du shirk, ça annule leur a'mal. S'ils meurent à la hada al-hal, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur pardonne pas. L'annahu, c'est du shirk akbar. Qala al-Sheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, hadhihi al-mas'ala al-thaniya, innama hiya tahqiqun lil-mas'ala al-oula. Na'am, la première, c'est tawhid al-rububiyya. Et tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'annahu, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créé hamala, sans aucun but. Si on l'adore, pour que cette adoration, elle soit sahiha, acceptée عند Allah, tu dois t'écarter du shirk. قال أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت. Donc, tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le خالق الرازق المحيي المميت, ça implique que tu l'adores. قال الذي خلقك وأعطاك النعم فهو سبحانه لا يرضى أن يشرك معه أحد كأنه يمانك للدال أحد من الخلق قال لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما لأن العبادة حق لله وحده. Ça c'est une règle في دين الله عز وجل, et c'est le fondement de notre دين, et c'est l'explication de la ilaha illallah. Dès que tu témoignes, أخي المسلم, أنه لا إله إلا الله, tu témoignes que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Personne. Ça englobe tout le monde. Tu n'as pas le droit d'adorer un prophète, un malak, le soleil, un homme pieux, un vivant, un mort. Al-ibada, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, comme tu reconnais le créateur, c'est qu'Allah, كذلك, tu dois reconnaître et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. كما قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. Ici, c'est ce premier verset pour te montrer ان الله سبحانه وتعالى il nous a ordonné هذا وقضى اي امر الله nous ordonne الا تعبدوا الا اياه. وتامل قوله عز وجل وقضى ربك سرب. On reconnaît que c'est le créateur, etc. Il t'a ordonné que tu dois l'adorer seul. فالتوحيد الربوبية et توحيد الألوهية, ça va ensemble. Ceux qui reconnaissent que توحيد الربوبية, ça leur est utile en rien. Et à l'exemple de Kuffar Quraysh. Et à l'exemple de Iblis. Il a dit خلقتني من نار. Iblis, il reconnaît que Allah c'est le créateur. Lakin ça lui est d'aucune utilité. Il n'a pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça va ensemble. وكما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. On le récite tous les jours, des dizaines de fois, surat al-Fatiha, et il y a un délit واضح, celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. إياك نعبد. Et c'est toi qu'on adore, on n'adore pas un autre. قال لأن الشرك به هو أعظم الذنوب. تقدم. إن الشرك لظلم عظيم من surat al-Luqman. Et c'est un ظلم, c'est une injustice, parce que c'est une chose qui n'est pas à sa place. Adorer un autre qu'Allah, cette chose, elle ne mérite pas l'adoration. Que ce soit un malek, que ce soit un nabi, que ce soit un savant, il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de l'adorer. L'adoration, c'est pour Allah. وَقَدْ جَاءَ فِي الْآيَاتِ الْكَثِيرَ الْأَمْرُ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالنَّهِي عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ فَتَجْمَعْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ. Aïe, tous ces versets. فَتُؤْمِنْ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ. Donc deux choses. Tu reconnais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. Celui qui donne la vie, qui donne l'amour. Ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya. Qala, wa tu'min bi annahu subhanahu huwa al-mustahiq lil-ibada. Deuxième chose, tu reconnais et tu as la conviction et t'adores Allah subhanahu wa ta'ala seul. Dans ce cas-là, ton tawhid al-rububiyya te sera utile. Et anna t'as appliqué tawhid al-rububiyya pour l'appliquer, c'est que t'adores Allah seul. قال وتؤمن بأنه هو المستحق للعبادة من ذبح والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادة. Parce qu'on voit l'un, بعض الناس ils sacrifient pour les morts. Ça c'est du shirk akbar. لأن الذبح c'est une عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عز وجل فصلي لربك وانحر. Donc c'est une عبادة. Allah سبحانه وتعالى يحب هذا الشيء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله حديث علي رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى يمودس celui qui sacrifie pour un autre que lui. Donc ce ذبح لغير الله ça annule إسلام الشخص والعياذ بالله. Pourquoi? Parce qu'il a adoré autre qu'Allah. Même s'il sacrifie pour un habit, même s'il sacrifie pour un homme, même s'il sacrifie pour un homme pieux, ce sacrifice ça doit être que pour Allah. Un Nabi, si tu l'aimes, suis-le. Le Nabi lui-même, il te dit, Allah il maudit celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Enfin, pourquoi sacrifier pour autre qu'Allah? Cet homme pieux, si c'est un homme pieux, haqqan, khasatan, s'il a du ilm, s'il est vivant, il te montrera que sacrifier pour autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est haram. Enfin, pourquoi sacrifier pour autre qu'Allah? قال كما قال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد. Et l'ilah, c'est al-ma'bud. Al-ilah, c'est celui qui mérite l'adoration. Et il est wahid. Donc, t'adores que Allah. Wa qala subhanahu fa la tad'u ma'a Allah ahada. On a lu le verset min al-matn. Wa qala shaykhul islam al-thalitha. Donc, la première mas'ala, c'est reconnaître tawhid al-rububiyya. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, c'est ne pas contredire ce tawhid. Et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, un mouahid. Donc, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, c'est les fondements du dîn. La troisième mas'ala, anna man ata'a al-rasoul, wa wahad Allah, et celui qui obéit au rasoul, il suit al-rasoul, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala, la yajouzu lahu mualat man had Allah wa rasoulahu, walau kana aqrab aqrib. Al-wala'u wal-bara'. Ce mouhid qui adore Allah, qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le suit, il n'a pas le droit d'aimer et de prendre pour allié les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il doit apprendre aqidat al-wala wal-bara. Aimer pour Allah, détester pour Allah. T'es un musulman et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné des ordres et il t'a interdit des choses. Et parmi les choses qui t'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'aimer ton frère musulman. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'min wahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Al-mu'minun, ba'duhum awliya u ba'd. Al-mu'min il-mu'min kal-bunyan, comme a dit le hadith. Et un hadith, al-mahabba bayna al-mu'minin kathira. Donc, on doit s'aimer fillahi azza wa jal. Kadhalik, on doit détester al-kafara. On doit détester les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, awthaq 'ura al-iman, et la foi la plus solide, la plus forte, al-hubbu fillah wa al-bughdu fillah. Aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala ton frère musulman et détester pour Allah, et les ennemis d'Allah al-kafara. Notre dîn il est fondé sur ces choses. Fala taghtar bima yanshuruna أعداء الإسلام ومن تأثر بأعداء الإسلام il propage des choses qui contredisent ses fondements. التوحيد والولاء والبراء. Et vous avez remarqué qu'ils attaquent beaucoup ce point. لأنه c'est un fondement dans notre dîn. C'est pour ça que Cheikh al-Islam il te le cite dans le début de Al-Usul al-Talal. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قال وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا كأنه من كلت لا يجوز له نعم لا يجوز له أن يوالي المشركين أو يحبهم. Et c'est ça معنى الولاية هنا. Quand on dit les prendre pour alliés, c'est les aimer et les secourir. Ça, on n'a pas le droit. Les aimer, on n'a pas le droit. T'aimes le mu'min. Comment tu vas aimer cet être humain? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le déteste. C'est un adou, lillahi subhanahu wa ta'ala. Il fait partie de Hizb al-Shaytan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste al-Shaytan et ses suiveurs. Qala, Cheikh Ibn Baz, فَكُلُّ مَنْ أَطَعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَوَحَّدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَادِي الْكُفَّارُ وَيُبْغِدُهُمْ فِي اللَّهِ. Il les déteste fillah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que ce n'est pas des alliés. Il ne les aime pas, il ne les secourt pas. Ça ne veut pas dire qu'il est injuste. لِأَنَّ الْجُهَالِ مِنَ الْخَوَارِجِ, que ce soit Daesh ou autre, ils prennent mitl هذا الكلام et ce genre de verset, et ils font des choses qui contredisent le Coran ou le Sunna. Ça ne veut pas dire qu'on est injuste. Tu les tues injustement, tu fais des attentats. Ça c'est haram. Ça fait beaucoup plus de mal aux musulmans que ça leur fait du bien. Ce qui prétend être el jihad, c'est un jihad fi sabil iblis. C'est pas un jihad fi sabilillah. C'est par rapport à al-hawa, les passions. C'est pour ça que tu trouves aucun savant de l'islam, savant de sunna, il est avec al-khawarij. Min fajr al-tarikh. Depuis l'époque qu'ils sont sortis, à l'époque des sahaba jusqu'à maintenant, tu ne trouveras jamais un alim min ulama al-sunna ma'ahum. Bel, ulama al-sunna, ils les combattent, l'ayl nahar. Même si al-kafara, ils prétendent et ils mélangent tout, ils font des amalgames, anna al-sunni al-salafi, pour eux c'est un terroriste, ça fait aucun mal. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Lakin, c'est pour salir. Et ça ne nous fait aucun mal. Lakin, nous, on explique hada, il y a des shabab, des débutants fi din, et ils sont motivés, et ils voient l'injustice des kuffars, l'ayl nahar. Ils sont toute la journée devant des vidéos, al-iyadu billah. Les vidéos, c'est haram, ya akhil karim, s'il y a des êtres humains. Thomas, les vidéos de ha'oula, c'est du Hamas, des anachites. Ils te montrent ce qu'ils veulent. Thomas, tu trouves ce jeune, il est pris par ses passions et il suit sa hawa. Et alors, Thomas, il comprend les choses, il ne faut pas les prendre pour alliés, donc il faut les tuer, donc il faut faire un attentat. Et il se fait du mal à lui-même et aux autres. Ittaqillah. Ittaqillah comprend cette mas'ala bifahmi salaf. Et bifahmi ahl al-ilm. Nahnu, on les déteste fillah. Et c'est ça, aqidat al-muslim. Lakin, on ne mélange pas tout. On ne fait pas des choses qui vont nous faire du mal et qui font du mal à notre dîn. Thomas, ils appellent ça des sacrifices, c'est des martyrs. C'est des martyrs, fi sabil iblis. Et wa al-juhal minhum, les ignorants parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala, yahkum bima sha. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Lakin, appeler ça al-jihad et c'est des martyrs et montrer que c'est du khayr, ça c'est min bab al-fasad wa al-ifsad. Et ulama al-sunna wa illahi al-hamd, ils ont montré hada. أكثر من مرة. قال ولا يجوز له موالاتهم ومحبة ولا يجوز لهم موالاتهم ومحبتهم لقوله تعالى لا تجد قوما. نعم ثم إلى ستة لفرسي qu'on va lire من المتن. قال أي لا تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق يودون من حاد الله ورسوله أما أم الكفار لا يجوز لأننا نحن c'est le juste milieu. On n'appelle pas à l'injustice, aux attentats, tout ça c'est minbab ash-shar. Lakin kadhalik, ceux qu'ils appellent au rapprochement des religions, et annahum, il ne faut pas les détester, et c'est des êtres humains, c'est des croyants, tout ça c'est batil. Allah subhanahu wa ta'ala qala la tajidu qawman, tu ne trouveras pas un peuple qui ont al-iman aimé ha'oula. Annahum, on les déteste. Et eux, kadhalik, ils te détestent. Al-haqiqa, ça c'est des choses claires. Ba'danas, ils essayent de faire croire qu'on s'aime, là, ça ne veut pas dire qu'on va être injuste. Lakin, je le déteste, il me déteste. Et le mou'id, عند Allah subhanahu wa ta'ala, amma faire croire qu'ils sont ala khayr et ils ont un din, là, ya'boudouna ghayr Allah. Et ils se moquent de Rasulullah, c'est des kafars, il n'y a aucun doute. Et personne min ahl al-ilm, bal mina al-muslimin al-uqala, il te dira que c'est des muslimins. إلا بعض الضلال. نعم هذا ça doit être clair. Pour ne pas tomber dans l'extrémisme, il faut que les choses elles soient claires. Ne pas dire ils sont bien, ils sont à la khayr, et ne pas être injuste, le juste milieu. C'est des kafaras, ils nous détestent, c'est des a'da'ullah. Et nous, on appelle les muslimines à s'écarter d'eux. Ne sois pas injuste envers toi-même, envers eux. Écarte-toi, si tu n'es pas d'accord avec eux, et tu ne dois pas être d'accord avec eux, les hommes, c'est des kafaras, écarte-toi de leur bilad, tu vas dans les pays musulmans, t'adores Allah subhanahu wa ta'ala, et ne t'inquiète pas. Yom al-Qiyamah, ils rendront des comptes toutes les injustices qu'ils font. Amma, tu veux régler les choses toi-même, et tu te précipites, et tu te donnes une responsabilité que tu n'as pas, tu te feras du mal. Tous ces attentats qu'ils font, ça a apporté quoi à l'islam? Rien. Rien. Depuis le début des années 2000, il y a l'an, c'est de pire en pire. Les anna jahala, ils sont manipulés, et ils sont poussés, et au nom du jihad, et ils se font du mal. Et la situation, elle est critique. Les mahad, les anna, ils ne reviennent pas à ahl al-ilm, et ta'ishoun. Ils se précipitent, et ils ne comprennent pas les choses, et ils font du mal. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, al-afiyah wa salam. قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فَالْبَرَاءَةُ أي tu les détestes et tu te désavoues d'eux et de leur kufr. Vous avez remarqué qu'Allah il a cité الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ قَبْلَ leur shirk. Ça te montre que tu te désavoues du mushrik et du shirk, les deux. قال عز وجل إِنَّ بُرَاءَةُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. كذلك ça واجب. C'est des kuffars, on dit c'est des kuffars. Ba'dhum al-an, tellement qu'ils se sont mélangés à ha'oula, et leur iman il est devenu faible, il ne peut plus dire kafir. Il dit c'est des non-musulmans, ou min hadha al-kalam. Kafir. Même s'ils n'aiment pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés hakada, kuffars. On ne peut pas les appeler autrement, c'est des kafars. Qala, kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha. Al-adawatu, tu le détestes fillah, et tu sais que c'est pas ton frère. Wa tahdhar minhu li'annahum yamkurun layl nahar. Et tu t'écartes d'eux. Kama amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil hijra, bal Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an. Fa lam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Qala al-adawatu wal-baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Donc la différence entre nous et eux, c'est tawhid. Tant qu'ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala seul, فَبَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَى. On les déteste fi Allah azza wa jal. Tout ça avec justice, adl. Allah subhanahu wa ta'ala يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ أي أهل العدل. Sans être injuste, sans se faire du mal. Toujours on reste avec nos gouverneurs musulmans. Amma, tu veux faire les choses tout seul. Le jihad tout seul, tout ça tu te fais que du mal. Le jihad c'est تحت راية. C'est avec une raya, avec un wali amr. Tout ça avec les savants de la umma. Ils regardent, est-ce qu'il y a un profit, amla? Est-ce qu'on a la qudra, on a la capacité, amla? Amma foncé tout seul, soi-disant le martyr. Tu te suicides. Et c'est haram. C'est haram. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit hada. Tumma. Et tout ça, si tu réfléchis bien, c'est leur faiblesse. Ils sont faibles. Haoula al-Khawarij, ashab da'ish, ils sont faibles, ils n'arrivent pas à patienter. Il en finit, il se suicide. Ton mal, le mal, il retombe sur ses frères, sur sa famille, sur ses frères, sur ses amis, et il fait du mal à tout le monde, et lui, il s'est suicidé. Tu t'es suicidé, t'es fait le haram. Amma, tu patienterais, t'apprends ton din, tu propages ta aqida, al-wala wal-bara, un bon comportement. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala yuyassir li al-muslimin al-khayr. Lakin, tout ça, c'est l'ignorance et la précipitation. Qala al-Sheikh Abdul Aziz, فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الإسلام ومودة المؤمنين ومحبتهم. نعم. سساء الولاء والبراء. قال شيخ الإسلام في المتن والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. même si c'est un proche, si c'est un عدو لله سبحانه وتعالى, Et c'est un mushrik, un yahoudi, un nasrani, un wathani. Tu le détestes, fillah subhanahu wa ta'ala. Et si c'est un père, une mère, ça n'empêche pas al-mahabba tabi'iyya et le respect et les liens de parenté. Là, lakin, par rapport au din, tu le détestes, fillah. Voilà aussi c'est un qarib. Li'annahu, il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul. Amma si c'est un père, une mère, un frère, une sœur, il va avoir des sentiments, li'annahu, c'est ta famille. Et ça, c'est pas haram. Et kadalik, le bon comportement. Un bon comportement, ad-da'wa billati hiya ahsan, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Ils se convertissent et ça devient, inshallah, tes frères, fi din l'islam. Qala, wa yudkhiluhum jannatin, ulaika kataba fi qulubihim al-iman, wa ayyadahum bi ruhin minh, wa yudkhiluhum jannatin tadri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, radiyallahu anhum wa radu anhu, ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihoun. Hizballah, c'est le mouahidoun. Le mouahidoun, ce qu'adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, qui aime les croyants, qui déteste le kafir. Qala Cheikh Abdel Aziz, hakadha al mu'min, yuhib awliya Allah, wa yata'awun ma'ahum ala al khayr. Il aime ses frères, il s'entraide, il conseille. Qala wa yakrah a'da Allah, wa yubghidahum, wa yu'adihim fillah. وإن دعاهم إلى الله وإن أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية كولي الأمر. نعم. Même si le gouverneur il les laisse vivre dans son pays en prenant al-jizya, il les déteste fillah. Même s'il les laisse, il les laisse vivre lakin en payant la jizya, al-bughd li hasil. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس وأخذ الجزية منهم. Et ça, c'est min shu'un walil amr. Personne n'a le droit de rentrer via hada. Ça, c'est min shu'un walil amr. Ça, c'est le gouverneur qui s'occupe de hada. Il prend le jizya, la jizya min ha'oula. Qala wa akhd al jizya minhum fihi aun lil muslimin la mahabbata lahum. Na'am. Ça, c'est un bienfait pour le muslimin de prendre le jizya min ha'oula. Ça ne veut pas dire que le gouverneur, il les aime. Ou le muslimin, il les aime. Là. قال فإن أبوا الإسلام والجزية قتلوا مع القدرة. S'ils refusent de donner le jizya, fa wali al-amr les combat. Lakin, vous avez remarqué que Cheikh Abdel Aziz, tout ça il parle de wali al-amr et ma al-qudra, et la capacité. Fa il y a deux choses. Le gouverneur, il y en a le gouverneur, c'est lui le chef des croyants. Tout le monde se rassemble derrière son ordre, sous son ordre. Amma chacun fait ce qu'il veut. Comme il se passe l'un. Wal-iyadu billah. Hada, il prétend faire le jihad. Hada, il prétend défendre la cause de tel pays. Hada, c'est le fauda. La division, et les koufars, ils en profitent. Enfin, awwalan, ça revient au gouverneur, et le gouverneur, il regarde est-ce qu'il a la capacité. S'il n'a pas la capacité, fala yukallifullahu nafsan la wus'a. S'il n'a pas la capacité, et il rentre dans cette affaire, et il combattra haoula, il fera du mal plus que de bien. Dans ce cas, il patiente. Et al-muslimoun, il donne du temps au ilm. Et l'aqidah sahiha. Et vous verrez qu'avec le temps, yahsul khayr kabir. Amma al-kuffar, c'est ce qu'ils veulent. Qu'on se précipite, ils nous divisent, ils nous écartent du ilm. Hatta on devient très faible. Kama qala azza wa jal, wa la tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum ay quwwatukum. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Et c'est ce qui se passe l'an, lil-asaf. قال وهذا خاص بالأهل الكتاب والمجوس أي الجزية أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية بل يقاتلون حتى يدخلون في الإسلام كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك bien sûr la capacité et ça revient ولي الأمر أما les choses والعياذ بالله secrètes les attentats toute cette فوضى qui se passe من جهلة داعش الطلال القاعدة et الخوارج عموما Al-Ikhwan al-Muslimoun, tous ceux qui suivent ces groupes, tout ça, ce n'est pas fondé sur Al-Kitab al-Sunnah. Tout ça, c'est l'Ahwa. Et Ha'oula, ils prétendent combattre le Kuffar et ils font beaucoup de mal à Ahl al-Islam. Khassatan Ahl al-Sunnah. Comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqtulouna Ahl al-Islam wa yada'ouna Ahl al-Awthan. Tu les trouves, ils ont un hiqd ajib à la ulama al-Sunnah. Et sur Ahl al-Sunnah et sur les gouverneurs musulmans. Ils ont un hiqd ajib, probablement plus que leur hiqd qu'ils ont envers le kafar. Hada la yajouz. Ton frère, c'est un musulman, c'est un musulman. Si ça va mal, conseille-le. Lakin, c'est leur ignorance et les passions, wal'iyadu billah. قال لقوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقوله تعالى أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون tout ça avec des ضوابط ذكرها العلماء الجهاد avec des règles تحت راية avec un gouverneur sans se précipiter avec la capacité est-ce que c'est faisable est-ce qu'on a les moyens قال وقوله سبحانه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم والآيات في هذا المعنى كثيرة ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك bien sûr avec la capacité. أما بعض الجهال اللي يزمت لهذه الآيات يغفين فأهل العلم et il se rebelle contre le gouverneur et ربما يتشوي un كافر en prétendant faire jihad et il se fait du mal et il fait du mal aux مسلمين. قال لقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها bien sûr avec la capacité وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك. On a un exemple sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était à Mecca, est-ce qu'il a combattu le mouchriquin? Des attentats, irdiyalat, des assassinats, amatan. Awulan, il a fait le hijra. Et là, tu ne peux pas appliquer ton dîme. Enfin, nous, on conseille les frères, la yitahamassou. Tu ne peux pas, tu n'es pas d'accord, il y a akhi, fait la hijra. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Thumma, un nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine, un état musulman, il a été basé sur le Coran. Et sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma, ils ont eu le qudra, thumma, ils ont fait le jihad. Avec un gouverneur, c'était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec la capacité. Ils avaient al-ilm ou l'iman, et ils étaient unis. Et Allah subhanahu wa ta'ala fatah alayhi. Amma nahnu l'an jahil, il vit avec le kuffar. Thumma, il prétend sauver les injustes, et il fait un attentat. Et il se fait du mal, et il fait du mal aux autres. Qalat thumma qala ta'ala, في آخر الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أي قواهم بقوة منه نعم لا importance de الولاء والبراء فلا إفراط ولا تفريط on aime les mu'minins et on déteste les kafara et on est juste avec le jami' العدل والإنصاف الحذر l'injustice même avec un kafir ça te fera du mal إياكم والظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما الله سبحانه وتعالى لا interdit l'injustice à lui-même إلا interdit à ses عباد سبحانه ثم قال شيخ الإسلام اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين après avoir expliqué les trois مسائل أي التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية La deuxième masala, c'est écarter du shirk. La troisième, al-wala wal-bara. Et ton amour, il est par rapport au tawhid et au shirk. Al-muwahid, tu l'aimes, al-mushrik, tu le détestes. Thomas, il cite, avant de rentrer dans les trois fondements, un dernier point pour te montrer c'est quoi din al-anbiya. Din Ibrahim, alayhi salatu salam, ay al-tawhid. قال اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. C'est ça, Millat Ibrahim. Et c'est ça, Din Jami' al-Anbiya. Et c'est ça, le Din de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On adore seul Allah, subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. Qala Sheikh Abdel Aziz, Qala rahimahullah, I'lab, arshadak Allah, li ta'atihi, Qala jama'a rahimahullah, bayna al-ta'lim wa al-du'a. Et ça, c'est souvent, Sheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayhi, dans ses livres, dans ses rasa'il, il fait al-du'a. في الدعاء pour المسلمين والدعاء pour ceux qui lisent ces livres. قال شيخ ابن باز الحنيفية ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين وهي التي قال الله فيها لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله سبحانه وتعالى il a ordonné à notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم de suivre ملة إبراهيم. Et ملة إبراهيم c'est الحنيفية. الحنيفية c'est adorer Allah seul. أي التوحيد. فدين جميع الأنبياء التوحيد كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء sont venus بهذا التوحيد. قال فالحنيفية هي الملة التي فيها الإخلاص لله وموالاته وترك الإشراك به سبحانه. Et notre umma est fondée sur هذا. Fondée sur توحيد الله سبحانه وتعالى. Pas le droit d'adorer un ملك أو un نبي أو un mort. لا العبادة c'est لله. Notre صلاة, notre صيام, notre حج, الذبح, الطواف, الدعاء, الركوع, السجود, tout ça c'est لله وحده. العباد المخلوقات ils ont aucune part في هذا. Même s'ils ont un rang élevé عند الله, العبادة c'est خاص لله. Et c'est ça التوحيد. قال والحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه. C'est ça الحنيف. الحنيفية الحنيف c'est celui qui s'écarte ou qui أقبل على الله, il se rapproche d'Allah et s'écarte des autres choses. أي هنا العبادة أي تدور الله seul et tu t'écartes de l'adoration d'autre qu'Allah. C'est ça الحنيفية. الإقبال على الله والإعراض عما سواه. قال وأخلص له العبادة كإبراهيم وأتباعه وهكذا الأنبياء وأتباعهم. Et on a cité الدليل. قال شيخ الإسلام وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc on revient أن la première مسألة qu'on avait vue, أن الله nous a créé pour هذا, c'est ça الحنيفية et c'est ça التوحيد. الله nous a créé que pour هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون يوحدون. قال الشيخ عبد العزيز قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها فأمرهم بالتوحيد والإخلاص وخلقهم ليعبدوه وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاتهم وصومهم ودعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم. توت عبادة. قال وغير ذلك من أنواع العبادات كله لله كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. On l'a déjà vu ce verset. وقال إياك نعبد وإياك نستعين. أدلة في التوحيد. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. On l'a vu كذلك. قال هذه العبادة هي التي خلق الله أو خلق أو خلق لها الناس. قال خلق لها الثقلان وهي توحيد الله. Donc c'est ça le but de ta création, Akhil Karim, que t'adores Allah seul. قال وطاعة أوامره واجتناب نواهيه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال يعني يوحدوني في العبادة. قال ويخصوني بها بفعل الأوامر وترك النواهي إلى غير ذلك من الآيات. نعم توسع التوحيد أي أدغي الله سبحانه وتعالى السلام. قال ومعنى يعبدون يوحدوني وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. La chose la plus importante que Allah nous a ordonné c'est le tawhid, l'adorer seul, adorer Allah seul. La chose la plus grave qui nous a interdit الشرك, et c'est invoquer autre qu'Allah, adorer autre qu'Allah. Le dalil واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, adorer Allah seul et ne lui associer rien. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل ما سواه فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك. هذا التوحيد. تدعو الله سل وأكل عبادة لا دون مخلوق. Que ce soit un djinn, un malek, un ins, un vivant, un mort, la yajouz. Et c'est ça, ma'na la ilaha illallah. Si tu témoignes la ilaha illallah, tu es obligé d'appliquer. Qala, Cheikh Abdel Aziz, wa shirk, ashirku da'watu ghayrihi ma'a. C'est ça, shirk. Invoquer autre qu'Allah. Adorer autre qu'Allah. Wa qad qala subhanahu, wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'maloun. Ça, c'est, ça montre la gravité du shirk. Celui qui fait du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui annule toutes ses œuvres. Wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il annule les œuvres du mushrik. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, il a cité la chose la plus grave, le plus grave des péchés, al-shirku billah. Wa fi sahihayn anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam su'ila ayyu dhanbi a'zam. Un hadith azim. Fi sahihayn, sahih Bukhari, sahih Muslim, il y a un hadith, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le péché le plus grave? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ay, tu fais du shirk, un nid. C'est al-shirik. C'est un associé. Tu donnes un associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, ça nous montre que celui qui mérite l'adoration, c'est qui? Le créateur. C'est lui qui mérite l'adoration. Et le créateur, c'est Allah. Mad dalil min al-Qur'an, on l'a cité plusieurs fois. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Qala thumma ay. Ah, ils ont dit au prophète sallam, après, qala an taqtul waladak khashyata an yat'am ma'ak. Ay, ceux qui tuent leurs enfants, wal'iyadu billah, les anahum, ils ont peur, leur risque. Qila thumma ay, qala an tazni bi halilati jarik. Ceux qui font zina, c'est grave, lakin celui qui fait zina avec sa voisine, les anahum, le voisin, c'est une personne de confiance normalement. Rabbama, il est sa fille, il est sa sœur, il est sa femme, wahad yazni biha. Ça, c'est un dhanb azim. قال فبين صلى الله عليه وسلم ان الشرك اعظم الذنوب واشدها واخطرها. On avait fait une kalima walillah alhamd, la gravité du shirk, khuturat al-shirk, et on avait détaillé hadith mas'ala. قالوا في الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله. الحديث متفق عليه. الحديث كذلك اللي dans sahihain. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous cite le plus grave des péchés? Ils lui ont dit, Naam, ya Rasulallah. Il a dit, Al-Ishraku Billah. Qala fa al-tawhid huwa ifradu Allah bil-ibada wa al-shirk huwa da'watu ghayrihi ghayr Allah ma'allah. Tad'uuh, ou takhafuh, ou tarjuuh, ou tadbihla, ou tandhur, ou ghayr dhalik min anwa' al-ibada. C'est ça le shirk. Adoré autre qu'Allah. Ba'duhum, wal-iyadu billah, ils vont vers des morts, dans des cimetières, dans des mausolées, et ils demandent à un mort. Ils disent que c'est un wali, un salih, Allahu alam, et même si c'est un salih, t'as pas le droit de lui demander. Amma ba'duhum, il lui demande, bi wudu'. Ya fulan, mon fils il est malade. Ya fulan, j'ai besoin de telle chose. Ça c'est ibad azim. Qal nabi sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. Fa comment tu demandes à ce mort? Ce mort, il pourrait être utile, il serait utile à lui-même. Et pourquoi tu délaisses Allah, Rabbul Alamin? C'est lui qui t'a créé. Ça, ça montre que c'est du shirk wadih. Qala, hada al-shirk al-akbar, sawa'un kana al-mad'u nabiyan, ou jinniyan, ou shajaran, ou hajaran, ou ghayr dhalik. Et fil qawaid al-arba', Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a cité une règle, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas différencié entre ceux qui adorent un nabi, ceux qui adorent Isa, ceux qui adorent des pierres, ceux qui adorent des statues, ceux qui adorent le soleil. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas différencié. C'était tous des mouchriquins. Ah, kadali, anna ba'duhum, ils ont une shubha. Ils disent, moi, j'adore pas une pierre, j'adore pas une statue. Je demande seulement à ce mort pour qu'il demande à Allah. Cette demande au mort, c'est shirk. Yanna, t'as demandé une chose, il n'y a qu'Allah qui peut te la donner. Le mort, il va te donner quoi? Il peut rien te donner à un mort. Tu demandes à un mort ou une pierre, c'est pareil. T'as demandé à autre qu'Allah. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils invoquent autre qu'Allah, une personne qui peut leur donner ni bien ni leur repousser un mal, et ils disent c'est nos shufa'a, ay c'est pour intercéder pour nous auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé cette chose l'ibada, ويعبدون من دون الله. فالحذر من الشرك. Et Cheikh l'Islam il a dévoilé toutes ces shubuhat dans Kashf al-Shubuhat rahmatullah alayhi. قال ولهذا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فشيئا نكرا في سياق النهي فتعم كل شيء. Ça c'est une règle. النكرا indéfini quand il est في سياق النهي, a une interdiction. ولا تشركوا, Allah il a interdit. ثم يا نكرا شيئا, ça te montre que c'est global. شيئا ça englobe tout. Ça englobe le malaïka, ça englobe l'anbiya, ça englobe les salihin, ça englobe les pierres, le soleil, ça englobe tout. قال وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. Donc on doit donner de l'importance. En tant que musulman, en tant que talib ilm, on doit donner de l'importance à ce bab. Là, c'est la chose qu'Allah il aime le plus et qui nous a ordonné en premier. Al-shahada, al-tawhid. Donc on doit faire des efforts fihad. Et le meilleur livre après le Coran al-Karim, fi tawhid Allah, qui te démontre le tawhid, c'est Kitab al-Tawhid, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, Tawhid al-Uluhiyya. Il a cité Adilla min al-Quran et Hadith min Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fassal un tafsil, mukhtasar, jamil. Celui qui veut al-khayr fi hadha al-bab, il l'apprend par cœur et il comprend l'essence des adillah, inshallah, il sera al-khayr. Qala wa a'zam ma naha Allah anhu huwa ash-shirk billahi 'azza wa jalla kama taqaddam. Kadhalik, on fait des efforts à connaître shirk pour s'en écarter. Il y en a celui qui ne connaît pas une chose, il peut la faire. On connaît le tawhid et on connaît son inverse, shirk. Kama qala 'azza wa jalla, faman yakfur bit-ta'ut. Et pour kfar bit-ta'ut, tu dois connaître c'est quoi le ta'ut. Wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa, ay la ilaha illa Allah at-tawhid. Celui qui a haqq at-tawhid, c'est ça. Il s'écarte du shirk et il adore Allah seul. قال ولهذا اكثر سبحانه وتعالى في القران من الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك. Donc le fondement de notre din c'est le tawhid. Donc on donne de l'importance au tawhid. ولو كره المنحرفون بعض الضلال بعض المبتدعه ils accusent اهل السنه ويطعنون في اهل السنه انهم sont toujours في التوحيد لان c'est l'asl de notre din. On va s'occuper de la politique, s'occuper des rumeurs, de tout ce qui se passe, l'actualité, ça te rajoutera en rien à ton iman. Et si tu comprends le tawhid et tu comprends ton din, tu comprendras l'actualité. Amma internet leil nahar, comme des journalistes, Fulan il a fait, Fulan il a dit, ça fait que assombrir ton cœur et te serrer la poitrine. Et tu n'avanceras pas dans ton din. Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat wa al-afiyah. Subhanak lahum bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.